بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui une nouvelle sourate inshallah ta'ala, sourate الشمس. Donc le soleil, c'est une sourate qui est makkiya, elle a été révélée pendant la période mécoise. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa shamsi wa duhaha, par le soleil ainsi que sa clarté. Wal qamari idha talaha, par la lune lorsque celle-ci le suit. Wan nahari idha jallaha, et par le jour, la journée, lorsqu'elle l'éclaircit. Wal layli idha yarshaha, et par la nuit lorsqu'elle la couvre. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, par le ciel et par celui qui l'a construit. On verra, Inch'Allah, une divergence sur la traduction par la suite. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, par la terre et celui qui l'a étendue. Même chose pour la traduction. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Même chose aussi pour la traduction, Inch'Allah, qu'on verra plus tard. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, alors il lui a inspiré sa désobéissance et sa piété. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَقْسَمَ بِالشَّمْسِ وَنُورِهَا, Allah Ta'ala, il a juré par le soleil et sa lumière. فَلَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ عِظَامُ نَفْعِ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ الْعِبَادُ بِنُورِهَا وَحَرَارَتِهَا. Et certes, vous connaissez très certainement les grands profits de ce soleil et comment est-ce que les serviteurs vont profiter de sa lumière et de sa chaleur. La lumière et la chaleur du soleil, malgré cette grande distance qui nous sépare. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّمْسَ الَّتِي هِيَ آيَةُ النَّهَارِ والقمر الذي هو آية الليل من أكبر الأدلة على قدرة الله تعالى. Et on a vu que le soleil, qui est le grand signe de la journée, et la lune, le grand signe de la nuit, font partie des plus grandes preuves montrant la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah ta'ala, après cela, il a juré par la lune aussi. Et il dit والقمر إذا تلاها, et par la lune lorsqu'elle le suit. فالقمر يتبع الشمس في نورها وسيرها. Et donc la lune va suivre le soleil dans sa lumière et aussi dans son déplacement. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فلا يظهر نور القمر إلا بعد غياب ضياء الشمس. Et donc la lumière de la lune, si on regarde bien, la lumière de la lune, elle n'apparaît que après la disparition de la lumière du soleil. Il se peut que tu vois la lune en journée, mais la lumière de la lune, tu ne la vois que après la disparition de la lumière du soleil. Et donc, la lune va suivre le soleil, que ça soit dans les déplacements ou aussi dans la lumière. Donc les déplacements, d'abord la journée qui apparaît, ensuite la nuit. فحاجة الناس إلى الشمس والقمر دليل عظيم على قدرة الله تعالى وعلى ضعف الإنسان. Et donc le grand besoin des gens du soleil et de la lune est une grande preuve montrant la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et la faiblesse des êtres humains. هذا الإنسان الذي يشك عليه النظر إلى هذه الشمس بعينه. فكيف يتكبر بعد ذلك على ربي وخالق الشمس والقمر. Et donc cet être humain qui a du mal à regarder le soleil de ses propres yeux, il a du mal à regarder le soleil. Comment est-ce qu'il va s'enorgueillir et donc désobéir aux ordres et aux recommandations de son Seigneur, du Seigneur et du Créateur du soleil et de la lune. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par la journée et par la nuit. Il dit tabaraka wa ta'ala, wa nahari idha jallaha, wa layli idha yarshaha. Par la journée lorsqu'elle l'éclaircit et par la nuit lorsqu'elle la couvre. Fannahar yujalli al-ard. Et donc, la journée va éclaircir la terre. Fabinnahari tatabayyanu al-ashya wa tattadih. Par la journée, donc durant la journée, les choses deviennent claires, elles s'éclaircissent. Wa kadhalika al-layl yarsha al-ard. Et aussi donc la nuit qui va couvrir la terre d'obscurité. Wa laysa li ahadin fi hadhihi al-ard an ya'tarida ala hadhihi at-taghayyurat. Et personne sur terre ne peut changer quoi que ce soit de ces changements que nous voyons dans le ciel. Et cela est une preuve montrant la faiblesse de l'être humain et que Allah, il fait ce qu'il veut. Et que Allah tabaraka wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et c'est pour cela que Ibrahim, alayhi salam, ja'ala hadhihi al-mas'ala dalilan 'ala al-mutakabbirin. Et c'est pour ça qu'Ibrahim, alayhi salam, il a fait que ce sujet soit une preuve contre les orgueilleux. Allah tabaraka wa ta'ala qui raconte ce qui s'est passé. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk. Ne vois-tu pas celui qui a débattu avec Ibrahim à cause du fait que son seigneur, à cause du fait que Allah lui a accordé la royauté? إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Lorsqu'Ibrahim a dit mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. قال أنا أحيي وأميت. Alors cet homme orgueilleux il dit moi aussi moi je donne la vie et je donne la mort. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Alors Ibrahim il dit certes Allah il fait que le soleil vient de l'est alors toi fais-le venir de l'ouest. Alors, celui qui a mécru n'a pas pu prononcer un mot. Il n'a pas pu prononcer un mot après cela. فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْ كَوْنِ الشَّمْسِ وَالنَّهَارِ يَأْتِيَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Et donc, personne ne peut changer quoi que ce soit du fait que le soleil et que la journée viennent de l'est. Et cela montre le fait que l'être humain subit. Il subit ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Il n'a donc pas à s'emplir d'orgueil. Il n'est rien cet être humain. Il doit se soumettre à son Seigneur. فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْآيَاتِ السَّمَوِيَّةِ. Et donc Allah il a cité ces signes qu'on a cités, le soleil, la lune, tous ces signes qui font partie des signes célestes, les signes du ciel. ثُمَّ ذَكَرَ مَا حَلَّهَا الَّذِي هُوَ السَّمَاءُ. Ensuite, Allah il a cité donc cet emplacement, l'emplacement de ces signes, qui est le ciel. وَذَكَرَ الْآيَاتِ الْأَرْضِيَّةَ كَذَلِكَ. Et Allah, après cela, il a aussi cité les signes terrestres. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Par le ciel et celui qui l'a étendu. Par le ciel et celui qui l'a construit. Et par la terre et celui qui l'a étendu. J'avais dit qu'on allait voir dans la traduction une divergence, ou du moins une deuxième possibilité, dans la traduction de ce verset. Et par le ciel et celui qui l'a construit. Il se peut qu'on dise que ce qui est voulu par là, donc comme on l'a traduit, par le ciel et celui qui l'a construit. Il se peut que ce qui soit voulu par là, c'est par le ciel et sa construction. Donc c'est possible par le ciel et celui qui l'a construit, et c'est possible par le ciel et sa construction. Comment ça en arabe pour nos frères arabophones? Wassama'i wa man banaha wassama'i wa bina'iha. المعنيان صحيحتان في قول الله تعالى والسماء وما بناها. Ça c'est pour les arabes au fait. On révise. La question c'est comment c'est possible qu'on a un verset وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا et qu'on va avoir deux significations possibles. La première وَالسَّمَاءِ وَمَنْ بَنَاهَا et ce moment mausoul. Et donc là c'est مَلْ مَوْسُولَ. Donc là le premier مَلْ مَوْسُولَ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Le deuxième وَالسَّمَاءِ وَبِنَاهَا. On vise la grammaire là. Ça, c'est en quel cas vous le voyez au Maroc, ça? C'est CM2, CM1. Est-ce que vous vous rappelez de Mel Masdariya? Mel Masdariya. Wassemei wabinei. Et donc voilà, par rapport donc, aux arabophones, pourquoi est-ce que le sens il a changé? Les deux sont possibles, les deux significations sont correctes. فأنتم ترون في هذه السماء النجوم والسحاب والماء الذي ينزل منها والشمس والقمر. Et donc vous voyez dans ce ciel les étoiles, les nuages, la pluie, l'eau qui va descendre des nuages, le soleil, la lune, الشفق الأحمر, la lueur rouge, as-subh, l'aube, tous ces signes qu'on voit tous les jours. فَكَيْفَ يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بَعْدَ ذَلِكَ. Comment l'homme peut-il mécroire après cela? Parfois, je me pose la question, je me demande, comment est-ce possible qu'il y ait des pilotes d'avions non-croyants? Quand tu montes dans l'avion et que tu es au-dessus des nuages, tu te retrouves au-dessus des nuages et que tu vois les nuages comme des montagnes, tu te dis Subhana Rabbi al-Azim, Subhanallah, celui qui est capable de faire ce qu'il veut. Comment est-ce qu'un être humain il voit ça et qu'il ne se pose pas la question? Wa min al-ajaib annaka tasma'uhum yaqulun inna hadhihi al-makhluqat khalaqat nafsaha bi nafsiha. Et ce qui est surprenant, c'est que tu les entends qui disent que ces créatures se sont créées elles-mêmes. La terre, elle s'est créée elle-même. Le système solaire s'est créé lui-même. ثُمَّ يَحْكُونَ هَذَا الْخَلْقِ كَأَنَّهُمْ كَانُوا مَوْجُودِينَ. Ensuite, ils vont te raconter cette création, comment la terre s'est créée, comme s'ils étaient présents, comme s'ils ont assisté à la création du soleil. Oui, ça s'est créé comme ça, ensuite ça a rétréci, etc. Subhanallah. Et ensuite, ils vont blâmer celui qui rejette leurs mensonges. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant le fait d'oser prononcer de telles paroles sur un événement qui a eu lieu alors qu'aucun d'entre nous n'était présent, ni nous, ni vos scientifiques, et avoir une telle certitude. Une telle certitude. Yesh Zimoun. Vous savez, il y a ce qui s'appelle les théories. Une théorie. Donc il te dit, il se peut que ça soit comme ça. Ça s'appelle une théorie. Mais tu viens, Tajzim. Non, ça s'est passé comme ça. Alors qu'il n'y avait aucun d'entre nous qui était présent. Comment tu sais? Men akhbarak. Ash-shayatin, al-jin, men. Qui t'a informé? Et ça, c'est vraiment surprenant. Venant donc des incroyants. Et concernant la terre, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créée de telle façon à ce qu'elle soit, à ce qu'elle convienne aux créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. فهذه الأرض يبنون عليها بيوتهم وطرقاتهم. Sur cette terre, ils vont construire leurs maisons, leurs routes. يلفنون موتاهم, ils vont enterrer leurs morts. يزرعون, et donc ils vont cultiver la terre. وكلهم مقرون بأنهم لم يفعلوا شيئا إنما وجدوا هذه الأرض هكذا. Et ils sont tous d'accord, les êtres humains, musulmans, non musulmans, ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils n'ont rien fait. Ils ont trouvé la terre comme ça. Ils ont trouvé la terre comme ça. Capable, donc, on est capable de faire des constructions dessus, on est capable de planter, etc. C'est pas eux qui ont fait quoi que ce soit. Comment vas-tu mécroire en celui qui a créé cette terre avant que tu viennes? Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré, et ici, excusez-moi, par la terre et celui qui l'a créée, c'est la même chose que le verset d'avant. Par la terre et sa création. Par la terre et celui qui l'a créée, mais aussi par la terre et sa création. Wa nafsin wa ma sawwaha, même chose. Par l'âme et celui qui l'a créée, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et par l'âme et son façonnement. Et donc les deux significations sont correctes, inshallah ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala sawwaha fi khilqatiha wa fitratiha. Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a harmonieusement façonné dans sa création, mais aussi dans son caractère originel qu'il lui a accordé. Allah qui dit fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha. Et donc, soumets-toi pleinement à la religion hanifan, en accordant un culte exclusif et en délaissant toute forme de polythéisme. Qu'est-ce que c'est? Fitrat Allah. Le caractère originel qu'Allah a donné à ses créatures, qu'Allah a donné aux hommes. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Alors il lui a inspiré sa désobéissance et sa piété. فَالْفُجُورُ دِدُّ التَّقْوَى. الفجور, le mot الفجور, c'est le contraire de التَّقْوَى, la piété. C'est pour ça que كُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ فَاجِرٌ. Toute personne qui désobéit à Allah, c'est un fajir. وَلَوْ تَعَوَّدَتِ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الْفَاجِرِ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِعَفِيفٍ. Même si les gens, entre eux, ils ont l'habitude que le mot fajir, on l'applique pour celui qui n'est pas chaste. Mais en réalité, dans le shara, celui qui est fajir, c'est toute personne qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بَيَّنَ لِلنَّاسِ الْخَيْرَ وَالشَّرِّ لَكِنَّ أَهْلَ الشَّرِّ وَالشِّيَاطِينَ أَضَلُّوهُمْ. Et donc Allah, il a montré aux gens le bien et le mal. Cependant, les gens du mal ainsi que les shayatines, ils ont égaré les gens. فَنَعَكَسَتِ الْأُمُورَ. Alors les choses se sont inversées. فَالنَّاسِ يَرَوْنَ الْخَيْرَ شَرًّا. Ils voient le bien en mal. وَيَرَوْنَ الشَّرَّ خَيْرًا. Et ils voient le mal en bien. Comme dans le hadith qui est très connu, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Chaque enfant qui naît, il naît selon le caractère originel. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. Et ses parents vont le rendre juif ou chrétien. Mais à la base, il a la croyance saine. وَكَذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ لَكِنَّهُمْ جَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Dans Sahih Muslim, que Allah Ta'ala il dit, j'ai créé tous mes serviteurs, tous, hunafa, ceux qui accordent un culte exclusif à Allah et qui se détournent de toute forme de polythéisme. C'est ça, hunafa. Cependant, les shayatines sont venus à eux et les ont éloignés de leur religion. Fennas akasul umur. Alors les gens ont inversé les choses. فَلِذَلِكَ تَجِدُ مَثَلًا فِي زَمَنِنَا أَنَّهُ يُقَالُ لِلْرَجُلِ لَا تُعَدِّدْ وَزْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنَ النِّسَاءِ. C'est pour ça que tu vois à notre époque qu'on dit à l'homme, attention, ne te marie pas avec plusieurs femmes, mais par contre fornique avec qui tu veux. Les gens ne voient plus, ils ne font plus la différence entre le bien et le mal. Toutes les choses sont inversées. Ce qui est bien est devenu mal, ce qui est mal est devenu bien. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a dans ce verset d'autres points importants qu'on ne va pas citer aujourd'hui, inshallah ta'ala, qu'on verra la semaine prochaine. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.